route de la gloire. J'y ai rencontré des amis fidèles. Le vent du nord me pousse sur la mer. Tu me trouveras à la table la plus belle. Kylian 49.3, j'arrive comme Macron, t'es mal le climat. Chanel est fermée, elle fait la grimace. Car entre Pontieu, Ferrari, climat. Je suis sorti un buisson, les yeux rouges luisants. Besoin d'un visa, beaucoup de vicieux, beaucoup de fils de, des yeux dans le verso. Pacani, en allant sur les routes de la gloire, j'y ai rencontré des amis fidèles. Le vent du nord me pousse sur la mer. Tu me trouveras à la table la plus belle. J'arrive comme qui? J'arrive comme Arnaud, 2,7 milliards, dividende 23, conçu pour abattre. J'arrive comme Attal, au fond d'un appart, je te vois en bizarre, au compte les flatas. Le modèle du fer la rend hésitante, j'arrive en sifflant, plus aucune confiance. Je tape au visqueuse, t'es peut-être un serpent, t'es mal à distance. En allant sur les routes de la gloire, j'y ai rencontré des amis fidèles. Le vent du nord me pousse sur la mer, tu me trouveras à la table la plus belle. La plus fraîche. J'arrive à investir, tu crois qu'on blague? Encore du shopping, rien qu'on claque. J'arrive en Fendi, je repars en Louis V, je reviens dans Bentley, black on black. Toi tu fais pépi, toi t'as l'air perfide. Et puis tes actions, t'as dû couper le fil. T'inquiète, ça bouge pas, relâche en perfide. J'ai dû disparaître, David Copperfield. Je fais du Nesby, je fais de la Zikmu. J'arrive en retard, mais avec un missile. Les enfants d'Adam, toujours amnésique. J'ai fait la peu coudre, dit à Missy. J'arrive à investir, tu crois qu'on blague? Encore du shopping, rien